Section 22 de La Maison du Péché par Marcel Tiner. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johann. Chapitre 22. 30 artistes s'étaient groupés pour exposer à frais communs des objets d'art, émaux, verreries, étain, céramique, des bijoux, des étoffes, des meubles qui n'appartenaient à aucun style connu. Et c'était l'inauguration de cette exposition des 30 qui faisait courir tout Paris à la galerie Petitot. La longue salle, au plafond vitré, au tapis rouge, au mur rouge, au canapé rouge, entourant les sveltes palmiers dont on ne voyait plus la tige, la salle toute bourdonnante de voix, chaude comme une serre, était obliquement traversée d'un ray de soleil vaporeux. Irisée par ce rayon, une poussière flottait et, dans l'harmonie bleuâtre d'une peinture impressionniste, accordait mille taches, colorées, disparates. Les verts acides, les violets sourds, les bleus crus, les rouges neutres ou vifs des toilettes, l'or neuf des cadres, les blonds divers des chignons teints, la pâleur des visages fardés, où l'on ne distinguait plus de loin que les taches sombres des yeux et la tache pourpre des lèvres. « Surveillez la porte !» s'écria Barral, séparés brusquement de Rennemoulin. Ils attendaient Fanny. Elle avait promis de les retrouver à 4 heures précises devant la vitrine qui renfermait son exposition particulière, une série de cuirs décorés pour la reliure et la maroquinerie. Un remous de la foule poussa devant eux Saujon et Coquardeau, le peintre vêtu d'une cape noire et d'un chapeau mou, le sculpteur habillé comme un manœuvre endimanché. Madame Saujon suivait, bizarre, avec son costume tailleur à 39 francs, sa taille sans corset et son petit canotier de feutre gris sur des bandeaux botticellesques. « Très bien, vos étains, très jolis !» dit Barral à Coquardeau. « Pourquoi n'avez-vous pas exposé, Saujon ?»« Pas le temps. Dèche, le salon, un gosse. Je vous félicite tout de même. Ça fera un modèle d'enfant à domicile. Qu'est-ce que vous avez au salon ? Les gamins dans le pré, sous les saules. Venez donc à l'atelier, je vous montrerai ça. Je tâcherai de vous amener Fanny. Dites donc, vous n'avez pas vu Madame Manolé ? Non, non, mais j'ai vu ses envois. Gentilles, ces petites machines. Il y a un joli sentiment de la forme simplifiée, décorative, à la japonaise. Oui, Fanny Manolé a quelquefois des idées pas bêtes du tout. On voit qu'elle a été à bonne école, à l'école du papa Corvis et à l'école de la nature. Ces pastels, voyez, ce n'est pas du travail de dame. Ça ne sent pas l'Académie Julien. Elle serait une véritable artiste, notre camarade Fanny, si elle pouvait envoyer l'amour au diable. Oui, l'amour, un sacré trouble fête et trouble travail. Quand un artiste s'avise d'être amoureux, Barral, quand il est pris par la femme jusqu'au cœur et jusqu'aux moelles, il est fichu, il est mort pour l'art. Le grand artiste est un grand égoïste. C'est pour cette raison que les femmes sont toujours des artistes médiocres. Leur fonction à elles, leur génie, leur bonheur, c'est l'amour. L'art est un pis-aller, une consolation. Rappelez-vous le joli mot de Portorich. Au fond de tout talent de femme, il y a un bonheur manqué. Pauvre Fanny. Saujon, vous êtes un sage. Mais ce n'est pas à moi qu'il faut dire ces choses, c'est à Madame Manolé. La voici. Fanny, en robe noire, en chapeau noir, s'approchait du groupe qui l'accueillit par des compliments et des reproches. « Venez, dit Barral, il faut que je vous présente Ferroy. » Il arrêtait au passage un vieux monsieur à la barbe blanche, au nez couleur d'aubergine, aux yeux saillants et veinés. « Cher maître, vous n'avez pas oublié la fille de Jean Corvis. Je sollicite toute votre bienveillance pour elle. Regardez ses envois, vous en serez charmé. » « Mais je suis déjà tout charmé de connaître madame, » dit Ferroy en avançant sa figure cramoisie vers Madame Manolé. Cependant, Barral l'entraînait. « Par ici, cher maître !» Et devant la vitrine, il s'extasiait. Ces cuirs travaillés par le feu ou par les acides, cette décoration où les plantes et les bestioles communes composaient des motifs imprévus et charmants, c'était, comme disait Saujon, une idée pas bête du tout, originale et amusante. « Compliment, je n'oublierai pas. Madame Manolé, dites-vous » Le gros homme écrivait le nom et l'adresse de Fanny. 2 bis, rue Boissonnade. Il faudra venir me voir, madame. Nous causerons. Vous m'intéressez infiniment. Et puis j'irai à votre atelier. Vous avez un jour ? Non, tant mieux. Nous prendrons rendez-vous. Nous serons plus tranquilles pour voir vos études. Mais venez d'abord. Je reçois tous les mardis, de 4 à 6. Venez de bonne heure. N'est-ce pas, vous viendrez. J'y compte. Au revoir, mon cher Barral. Madame, tous mes compliments et tous mes hommages. Vous l'avez conquis, dit Barral, pendant que Ferroy s'éloignait dans le remous de la foule. Il va vous lancer, ce gros poussa. Mais je n'avais pas prévu l'invitation. Et ça, Fanny, c'est une tuile. Une tuile ? Oui, méfiez-vous. Quand une femme va chez Ferroy, il est respectueux pendant le premier quart d'heure, puis il est paternel, puis il est familier. Et bientôt, il demande à la visiteuse quelle est la couleur de sa jarretière, et il s'assure qu'elle n'a point menti. Et vous me présentez cet individu ? Pourquoi pas ? Il peut vous servir, cet individu, et il ne vous prendra pas de force. C'est à vous de savoir vous défendre, habilement. Ne criez pas au feu pour des bagatelles. Ne faites pas la bégueule. Mais arrêtez le bonhomme quand il deviendra trop entreprenant. Oh, sans vous fâcher, avec un mot spirituel et un sourire. Quel chantage ignoble, dit Fanny. Est-ce que vraiment il y a des femmes qui, pour un article de Ferroy, s'il y en a, eh bien, il peut attendre longtemps ma visite, votre Ferroy. On étouffe, quelle cohue. Venez, Reine Moulin, partons. Ah, j'ai soif, dit Barral. J'ai avalé de la poussière pendant 2 heures à vous attendre. Allons prendre des cocktails, et puis Reine Moulin ira chercher notre amie, Madame Robert, et nous dînerons tous quatre ensemble. Je veux célébrer par un festin la gloire prochaine de Madame Manolé. Vous êtes libre ce soir, ma chère. Comment ne serais-je pas libre ? Croyez-vous que quelqu'un au monde ait le moindre souci de ce que je peux faire ou ne pas faire ? Ah, je ne me sens pas le courage de m'en retourner ainsi toute seule. Vous irez chercher Louise, n'est-ce pas, Reine Moulin ? Le bar, anglo-américain, était presque vide. Barral fit entrer ses amis dans un petit salon aux boiseries de Pitchpin, aux meubles laqués, pareil à une cabine de paquebot. Il commanda d'effroyables mixtures composées d'alcool d'hiver, de citron, d'épices, de soda et de glace pilée. Fanny but un verre de porto blanc. « Que devient M. de Chanteprie ? » demanda Reine Moulin. « Il a donc repris la vie champêtre ? C'est ce qu'il avait de mieux à faire, le pauvre garçon. » « Je pensais le voir aujourd'hui, Galerie Petitot, mais il m'a prévenu par dépêche qu'il ne viendrait pas. » Reine Moulin continua. « Il ne m'a plus donné de ses nouvelles. Je crains bien que nous ne soyons brouillés, lui et moi. Et ce serait dommage. Mais votre ami, chère madame, n'a pas le sens des réalités. Nos camarades regardaient de travers cette recrue dangereuse qui nous aurait bientôt tous compromis. Vous riez, Barral. Je ne plaisante pas. Il sait discuter. Sa logique, inflexible, pouvait troubler nos adhérents, les effrayer. Quelques jours de plus, et M. de Chanteprie nous eût appelés jésuites. On n'aime pas ce mot-là. Et puis, voyez le surprenant effet d'une instruction religieuse trop complète. M. de Chanteprie, janséniste et gallican, au fond du cœur, accepte sans enthousiasme le dogme de l'infaillibilité. Il se croit plus infaillible que le pape. Allons, je vais chercher Madame Robert et je vous la ramène, dans une demi-heure. Dépêchez-vous, dit Fanny. Quand Barral fut seul avec elle, il lui dit, d'un air de reproche, « Pourquoi voulez-vous que Reine Moulin se dépêche ? Est-ce que je vous ennuie ? Est-ce que je vous fais peur ? Non, mais... Vous avez pleuré, encore. Vous êtes mortellement triste. C'est à cause de lui, n'est-ce pas ? Vous l'attendiez. Il m'avait promis, juré, qu'il m'accompagnerait à cette inauguration. Je me promettais tant de joie. Et cela a fait une dépêche de plus dans ma collection. Je les ai toutes conservées, ces dépêches d'excuses et de refus. Ah, Georges, quelle vie ! Quel supplice ! Je suis à bout de force, découragée, exaspérée, désespérée. Qui me délivrera de cet amour ? Qui vous en délivrera ? Monsieur de Chanteprie lui-même. Mais pas encore, Fanny, pas tout de suite. Vous n'avez pas assez souffert. Vous gardez je ne sais quelle espérance. Vous avez foi dans le hasard. L'occasion, le temps, que sais-je ? Il faut que M. de Chanteprie vous enlève ses suprêmes illusions. Pourtant, des symptômes probants me persuadent que l'heure de votre libération va sonner. Vous avez dit « Qui me délivrera de cet amour ?» Évidemment, vous n'êtes pas tout à fait sincère. Mais il y a un petit progrès, une nuance qui... Vous vous moquez de moi, je pense ? Moi, point du tout. Je me réjouis, respectueusement, de la fin prochaine de vos malheurs. Et remarquez que je suis désintéressé. je ne vous fais pas la cour. Je n'use pas des privilèges que me confère notre amitié, votre chagrin et l'indigne conduite de M. de Chanteprie. Parlons d'autre chose, voulez-vous ? Je veux bien. N'imaginez pas que je me fasse un plaisir d'exciter votre colère, vos rancunes d'amoureuse négligée injustement. Moi qui ne me brouillerai pas avec vous, moi qui suis un philosophe optimiste, indulgent, patient, j'aurai tout l'avenir, et je saurai choisir le meilleur moment pour plaider ma cause. Je bénéficierai de la comparaison que vous pourrez faire. Il me semble que M. de Chanteprie travaille pour moi. » Barral disait ces choses, posément, doucement, un bon sourire aux lèvres. Et ce sourire atténuait l'ironie voilée du regard et l'impudence des propos. « Vous avez une manière de plaisanter, » murmura Fanny. « Ah, quel homme singulier vous êtes! Si je considère votre conduite, vous êtes le plus dévoué de mes amis. Si je considère votre attitude et votre langage, vous êtes, quoi, un chasseur à l'affût qui regarde voleter, un pauvre oiseau. Il y a des moments où vous me faites peur, des moments où je vous déteste, et des moments où je vous suis presque reconnaissante de ne pas m'abandonner tout à fait. » Si je vous abandonnais, Fanny, vous seriez absolument seule, car Saujon, Coquardeau et les autres, ce ne sont pas des amis, ce sont des camarades. Rennemoulin est un passant, Madame Lassauguette court les Amériques, et Louise Robert ne peut vous être d'aucun secours. Vous êtes seule, et dans le monde parisien, la femme qui n'est à aucun homme, amant ou mari, est à tous les hommes. On le croit du moins, et on le dit. Savez-vous ce que Ferroy m'a demandé tout d'abord quand je lui ai parlé de vous ? Une jeune veuve, la fille de Corvis. Est-elle jolie ? Oui, très jolie. Et avec qui est-elle ? Avec personne. Allons donc. J'ai dû me défendre de la bonne fortune qu'il m'attribuait. Aussi vous a-t-il invité à ses réceptions du mardi, ce qu'il n'eût pas fait si j'avais eu le droit de lui dire entre quatre yeux « Fanny Manolé est mon ami ». Je voudrais bien qu'Augustin vous entendît. Il comprendrait peut-être. Oh, je voudrais être la femme d'un ouvrier, d'un paysan qui m'aimerait. Je voudrais être une créature vulgaire, grossière et sotte, mais heureuse. Que ce serait bon, que ce serait doux d'être un peu heureuse, Barral. Barral, souriant dans sa barbe brune, roulait une cigarette entre ses doigts. « Voilà nos amoureux, » dit-il. Madame Robert, blonde, rose, les yeux brillants d'une jolie gaieté, embrassait Fanny, et suivant la règle du protocole féminin, elle déclara tout d'abord « Vous avez une robe charmante. » Fanny se ranima pour répondre que la couturière lui avait causé beaucoup d'ennui. Les deux hommes écoutaient ses discours avec une condescendance nuancée d'un léger dédain. Ils dînèrent dans un restaurant du boulevard dont le public bigarré et mélangé amusa les jeunes femmes. Les blancs, les ors, la panne jaune des tentures, les faïences polychromes du plafond, le papillotage des bougies sous les abat-jours orangés, l'éclat de l'argenterie, la fixe lueur des lampes électriques, l'odeur des roses, le bruit des voix, la chaleur des vins, toutes les images, toutes les sensations de cette soirée tourbillonnaient dans le cerveau de Fanny quand elle sortit du restaurant. Madame Robert et Rennemoulin étaient partis à pied dans la nuit fraîche. Barral voulut accompagner Fanny. Une voiture les emporta, traversa la place de l'Opéra, où se mêlaient confusément les piétons, les équipages, les omnibus et les gardes municipaux. Puis ce furent les quais déserts, la Seine toute noire et or, les petites rues de la rive gauche. Dans l'ombre, coupée de brèves lueurs, Fanny sentait sa tristesse renaître. Un homme était près d'elle, qui lui tenait la main, qui lui disait des paroles encourageantes et consolatrices, qui s'inquiétait de sa lassitude, qui s'informait si elle n'avait pas froid. Cet homme l'aimait à sa manière. Il avait une sorte de bonté, une sollicitude qu'elle sentait malgré elle, avec plaisir. Mais elle n'aimait pas cet homme. Ah, comme il eût été délicieux, le retour dans la nuit déjà printanière, si Fanny avait pu s'appuyer, les yeux clos, sur l'épaule d'Augustin. Hélas, Augustin se souciait bien de Fanny à cette heure. Il n'était pas jaloux. « Êtes-vous bien ? » disait Barral. « Je suis bien. Je voudrais vous égayer, vous fortifier, J'avais tant pitié de vous ce soir, comme vous êtes méconnue. Pauvre, pauvre amie. Elle ne répondait pas. Est-ce que ma présence vous est désagréable? Je crains de vous paraître indiscret. Mais non, vous êtes bon. Vous êtes un ami dévoué, désintéressé. C'est admirable. Vous devenez ironique. J'aime mieux vos railleries que vos larmes. Allez, moquez-vous de moi. Vous aurez tout l'avantage. Je ne suis pas spirituelle ce soir. Parce que je suis émue, troublée. Sentimentale? Presque. Alors vous êtes malade. Il faut vous soigner. Elle rit. Doucement, il se rapprocha. Riez. J'aime votre rire. J'aime l'éclair de vos dents et de vos yeux dans la nuit. Oh, comment un homme aimé de vous peut-il gâcher son bonheur? Tant d'autres seraient fous de joie, d'orgueil, de désir. La voix de Barral s'altérait un peu. Fanny, vaguement inquiète, répondit durement. Que m'importent les autres? Alors, vous serez toujours l'amante, humble et soumise, qu'on néglige, qu'on délaisse, et qui se contente de bribes d'amour. Vous ne prendrez jamais votre revanche. Vous ne saurez jamais ce que c'est que d'être aimé, choyé, adoré. Ne plus aimer Augustin, aimer un autre homme? Ah, je le voudrais parfois, mais je ne suis pas maîtresse de mon cœur. Je l'ai donné. Je ne puis le reprendre en un jour, à mon gré. Essayez. Vous êtes fou. Je vous aime. Vous, l'ami désintéressé? Je vous aime. Vous m'aimerez. Je ne veux pas vous aimer, Georges. À ça, perdez-vous la tête? Me ferez-vous repentir? Fanny, écoutez, je ne vous demande pas de m'aimer comme ça tout de suite. Je vous gagnerai peu à peu, après, j'en suis sûre. Mais faisons une expérience, une folie, que vous oublierez demain si vous voulez, et dont je ne vous reparlerai jamais. Fanny, vous êtes malheureuse. Vous n'êtes pas aimée, non pas aimée. Quel scrupule vous tourmente. Et moi, je tremble près de vous, je suis ivre de vous. Je vous veux toutes pour rompre l'enchantement, pour vous délivrer. Vous n'êtes pas dans votre bon sens, Georges. J'aime mieux oublier ces paroles. Laissez-moi descendre. Elle fit un mouvement pour baisser la glace de la portière, mais Barral la saisit brusquement par la ceinture et la tira sur ses genoux. Elle sentit une bouche brutale sur sa bouche. « Laissez-moi, Georges, laissez-moi !» De toute la force de ses bras, elle repoussait les caresses, mais bientôt, immobilisée, vaincue, elle gémit de honte et de terreur. Puis, elle sembla se rendre, s'abandonner. L'étreinte se desserra, et Fanny, redressée tout à coup, de son poing libre, frappa l'homme au visage. Que se passa-t-il ensuite? Elle ne put jamais le lendemain reconstituer la scène dont les détails s'embrouillaient dans sa mémoire. Elle tenta d'ouvrir la portière et d'appeler le cocher. Elle pleurait, elle répétait « Lâche, misérable !» Et Barral, dégrisé, confus, la suppliait. Enfin, la voiture s'arrêta. Fanny se retrouva devant sa porte, sur le trottoir, sauvée. Qu'il était sombre, qu'il était froid, le pauvre logement. La femme de service n'était pas venue. Dans la chambre, des robes gisaient sur les meubles, les draps défaits coulaient jusqu'au tapis. Fanny, secouée d'un tremblement nerveux, les joues inondées de larmes, ramassa la dépêche d'Augustin, oubliée par terre. L'idée de l'outrage reçu la brûlait toute. Son orgueil et sa pudeur souffraient. Elle avait suivi Barral. Elle avait accepté sa compagnie, ses consolations. Elle avait paru le provoquer, sans doute. Et cet homme, qui prétendait être son unique ami. Quelle honte, quelle honte ! Sanglotait-elle en se tordant les mains. Il a osé, il a pu croire. Je ne le reverrai jamais. Mais qui m'aimera, qui me protégera contre tous et contre moi-même ? Je suis seule, toute seule. Augustin ne m'aime plus. Fin de la section 22.